Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les années 70 au cinéma. You talking to me? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Cette réplique de Robert De Niro dans le film Taxi Driver est devenue une réplique culte dans l'histoire du cinéma. Il faut dire que le film Taxi Driver est lui-même devenu l'un des films emblématiques du cinéma américain des années 70. Son réalisateur, Martin Scorsese, fait partie de la nouvelle génération de réalisateurs qui arrivent à Hollywood à ce moment-là. Robert De Niro appartient, lui, à la nouvelle génération d'acteurs qui envahit le grand écran au même moment. Et puis, Taxi Driver, c'est aussi toute la violence des années 70 au cinéma américain. Ce cinéma américain qui occupera d'ailleurs énormément de place dans cette décennie des années 70 au cinéma. As-tu entendu parler de ça, toi, que paraîtrait que l'armée est en ville? Ça raconte ce qui est arrivé à cinq personnages qui sont allés en prison en octobre 1970. Je dois dire tout de suite que ce n'est pas un film sur les événements, mais c'est un film plutôt sur l'humiliation que ces cinq personnes le vivent et qui est un peu ce que 450 personnes ont vécu en prison en octobre 1970. Parce que ça, on ne l'a jamais dit. Je peux-tu voir vos papiers de réquisition? D'accord. Pas besoin. J'aurais-tu au moins le droit de savoir en quel honneur? Vous n'avez plus de droit. Je sais pas, mais il me semble qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment où l'homme perd ses droits. La guerre. La guerre? Voyons, quelle guerre? L'espoir vient de naître, à nous de le conserver. Repousser les faux maîtres, voilà la liberté. Le réalisateur Michel Brault, à propos de son film Les Ordres à l'émission de Lise Payette en 1974. Au Québec, les années 70 s'ouvrent donc sur cette crise d'octobre qui va si profondément marquer nos consciences. Michel Brault va en faire un film quelques années plus tard, film mémorable, Les Ordres, qui aurait pu faire partie de cette émission sur les années 70, mais comme toujours, il fallait faire des choix, trois séquences donc, pour évoquer ensemble cette décennie de cinéma dans les années 70. Et pour nous en parler, trois invités, Georges Privet, chroniqueur cinéma, habitué de l'émission avec qui on va parler du cinéma de Woody Allen. Georges Privet, bonjour. Bonjour, Jacques. Hélène Faradji, critique de cinéma, animatrice du balado cinéma plein écran sur Ici Première, avec qui on va parler de Star Wars, rien de moins. Bonjour, Hélène. Bonjour. Michel Coulombe, autre habitué de l'émission, chroniqueur cinéma à notre radio, à notre télévision, avec qui on va revenir sur l'arrivée des femmes au cinéma québécois, un peu ailleurs dans le monde, mais surtout au cinéma québécois dans les années 70. Bonjour, Michel Coulombe. Bonjour. Commençons avec vous, Michel, sur ce premier tour de table devenu mythique. Ces années 70 au cinéma, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Une grande transformation du cinéma américain. Parce que le nouvel Hollywood, notamment, et ça c'est Brian De Palma, Martin Scorsese qu'on évoquait, Francis Ford Coppola, le parrain. Donc c'est un grand, grand vent de changement chez les réalisateurs, chez les acteurs. Mais il y a aussi le cinéma catastrophe qui est très important. Oui. Au début des années 70, la Blaxploitation, qui va tranquillement donner une place aux acteurs noirs et à la parole, la présence des Afro-Américains dans ce cinéma qui les oublie complètement. Donc, il y a vraiment un vent de changement. Le cinéma catastrophe, c'est La Tour Infernale, par exemple. Le tremblement de terre. Ouais. Tous ces films où une personne peut sauver le monde parce qu'elle a un cœur immense. Ouais. Évidemment, elle est américaine, cette personne, donc elle ne peut que sauver le monde. Ça reste très hollywoodien, tout ça. Hélène Faradji? Oui, même chose, évidemment, le cinéma américain qui se transforme beaucoup au cours de ces années-là, en découvrant un peu la liberté. C'est-à-dire qu'on sort d'une période où les règles, les conventions, la façon de faire des films étaient très régimentées. Et c'est comme si avec les années 70, on découvrait qu'on avait le droit d'expérimenter, d'aller tourner dans la rue, d'improviser avec les comédiens. Et l'espèce d'optimisme un peu béat des années 60 est remplacé par l'ambivalence, le réalisme. Pour la première fois, on se met à avoir des personnages vraiment humains dans le cinéma. Georges Privet? Le cinéma américain aussi, encore et toujours, mais aussi le cinéma américain parce qu'il s'ouvre sur l'Europe. Il y a beaucoup d'interactions entre les deux. Il y a Nino Rota qui fait la musique du parrain de Coppola. Il y a Vittorio Storaro qui vient faire la photo de films américains. Il y a des cinéastes comme Miloš Forman ou Bertolucci qui travaillent en anglais aux États-Unis. Donc, tout d'un coup, on est face à un cinéma qui est beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus risqué, beaucoup plus européen d'une certaine manière en ce qui concerne le cinéma américain. Et ça reste, je pense, pour les spécialistes du cinéma, la grande décennie ouais. du cinéma américain, les années 70. Un cinéma made in USA, mais qui ouvre ses horizons sur ce qui se fait à l'étranger. Qui se laisse pénétrer par des influences d'un cinéma européen ouais. plus mature, plus adulte, plus audacieux. Annie et moi, on a rompu, et ça, je n'arrive pas à m'y habituer, rien à faire. Je repasse dans mon esprit jusqu'au moindre détail de ma vie avec elle, j'en fais l'examen complet pour tenter de découvrir où on a bien pu se faire baiser, parce que, il y a à peine un an, nous nous aimions, c'est vrai, et c'est marrant parce que je suis pas un moreau, je suis pas non plus un dépressif, non, j'ai été un gamin raisonnablement heureux, je crois, j'ai passé mon enfance à Brooklyn pendant la Deuxième Guerre mondiale. Extrait du film Annie Hall de Woody Allen, un extrait tellement Woody Allen. Pour nous parler de Woody Allen, des années 70, de cette décennie d'explosion pour Woody Allen, Georges Privet, comment la décrire, cette décennie-là, pour Woody Allen, Georges? Ben, c'est la décennie de la découverte. Un des grands plaisirs, je pense, de tous les cinéphiles dans les années 70, c'était de voir l'éclosion du talent de Woody Allen, qui est passé de quelqu'un qui connaissait pas grand-chose au cinéma, un cinéaste incontournable, en 5 ou 6 films. Ouais. Et de voir, de découvrir ses films à l'époque, c'était vraiment être sûr de voir qu'à chaque film suivant, il y aurait une explosion exponentielle de son talent, de ses découvertes, de sa possession, de sa maîtrise du métier. Il se définit petit à petit dans cette décennie-là. Il se définit petit à petit et il est entouré de techniciens comme Gordon Willis à la direction photo ou Ralph Rosenblum au montage qui lui apprennent le cinéma. Ouais. Et ce qui est très important, c'est qu'il s'est très vite donné le moyen de corriger ses erreurs parce qu'il est devenu très vite un cinéaste qui pouvait retourner ses films, qui s'est donné la marge de manœuvre pour travailler d'une manière particulière dont on parlera un petit peu plus loin, mais qui lui a vite permis d'apprendre, d'aller à l'école comme peu de cinéastes ont la chance de le faire. Dans ce sens-là, ses premiers films rappellent un peu ceux de Xavier Dolan où on a l'impression de voir vraiment un cinéaste apprendre le métier très rapidement et atteindre un niveau de maîtrise phénoménal en 3, 4 ou 5 films. Et ce qui lui permet d'apprendre très rapidement, c'est qu'il tourne, c'est incroyable. Annie Hall, dans cette décennie, donc Annie Hall 77, Intérieur 78, Manhattan 79, Stardust Memories, puis c'est pas les moindres films, 80, c'est ça, ces années pour Woody Allen. C'est presque un genre cinématographique, les films de Woody Allen. Comment on reconnaît un film de Woody Allen, Georges Privet? Ah, mon Dieu! Ben, les thèmes, d'abord, qui tournent toujours autour des femmes, la religion, la névrose, l'hypocondrie, la psychanalyse, la judéité, la mort, l'éthique, la philosophie, l'amour du cinéma, toujours au son du jazz des années 30 ou 40, et bien sûr l'obsession d'Ingmar Bergman que Woody Allen découvre à 18 ans et qui deviendra un peu son dos parce qu'il partage aussi plusieurs des obsessions bergmaniennes, l'absence de sens de la vie, la complexité des relations de couple, la culpabilité, l'angoisse de la solitude. Bref, il y a ça et il y a le cadre qui est généralement Manhattan, qui sont les musées, les cafés, les promenades, les discussions intellos, intellectuelles. Ouais. L'intellectuel juif new-yorkais, l'épitome, c'est Woody Allen. Ouais. Donc, on a le sentiment que ces films qui se suivent vraiment de manière très régulière, il tourne un film par année depuis ses débuts, ce qui fait qu'il en a complété 49, ce qui est quand même pas banal. Les films se ressemblent. Quand il amorce leur tournage, le titre est secret. On ne sait pas de quoi ils vont parler. Il y a aussi un air de famille, beaucoup d'acteurs récurrents. Bref, ça devient vraiment un genre très délimité au début, mais où Woody Allen s'explore d'une manière où il repousse toujours un peu son territoire. Il peut aborder la science-fiction, le mélodrame, le pastiche de Fellini dans Stardust Memories, le pastiche de Bergman, le pastiche de l'expressionnisme allemand. Bref, il va dans toutes les directions, mais toujours avec beaucoup d'audace et de talent. Puis c'est une espèce de héros culturel de la jeunesse américaine. Absolument. À cette époque-là, bon, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels dans le cinéma américain. Il y a beaucoup de références chez lui aux grands penseurs, aux grands écrivains, ce qui fait que les universitaires, très vite, l'adoptent. Et si on est un jeune homme, il y a quelque chose de très intéressant dans son cinéma parce que il se pose des questions d'artistes qu'on voit rarement au cinéma. Il se pose aussi des questions d'esthétisme, tête, d'éthique, ouais. Qui font qu'il deviendra pour beaucoup, beaucoup de jeunes spectateurs et spectatrices un espèce de modèle, quelqu'un qui se pose des questions très nobles sur la société, l'éthique, les choses à faire et ne pas faire. Michel Coulon, Mme Faradji, ça évoque quoi? Pour le meilleur et pour le pire, qu'est-ce que c'est pour vous, Woody Allen, Hélène? Ben, pour moi, d'abord, c'est l'humour. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui invente un humour extrêmement particulier, très érudit. Très important érudit. De le rappeler, non, parce qu'il y a ces grandes questions philosophiques. Qui sont toujours abordées avec un petit regard un peu de côté, ouais. Beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision aussi, évidemment, avec ce personnage d'intellectuel névrosé qui l'invente et qui est assez unique dans le paysage du cinéma encore contemporain. Et puis, c'est sa façon de filmer New York aussi, qui est exceptionnelle. Ouais. Michel Coulombe. Je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire du cinéma d'autres cinéastes, enfin, autres que Woody Allen, qui aient en si peu de temps changé à ce point. C'est-à-dire passer des films gags, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, à Annie Hall. Premier film des années 70. Oui, celui, Annie Hall, qui est un film de maturité, parce qu'influencé par Diane Keaton, parce qu'intéressé par ce que sont les femmes. Et là, on est du côté de la comédie dramatique. Et ensuite, Intérieur, qui est un pur pastiche bergmanien. Tout ça, en quelques années, c'est assez unique, effectivement. Ouais. Hélène parlait du personnage Woody Allen. C'est lui, Georges Privet, qui va l'incarner. En tout cas, au début de sa carrière, il est dans à peu près tous ses films. Est-ce qu'il s'incarne vraiment lui-même, de fait? Il incarne une version stylisée de lui. C'est-à-dire, quand on le voit en entrevue dans la vraie vie, il y a vraiment un choc. Il est pas un hypochondriaque furieux. Il est pas particulièrement névrosé. Il était très populaire à l'école, très sportif. Mais il s'est inventé une version exacerbée de tendance qu'il possède vraiment et qui est essentiellement la même dans tous les films. Et lorsqu'il deviendra trop vieux pour les comédies romantiques, il va se trouver toutes sortes d'acteurs de remplacement, John Cusack, Kenneth Branagh, qui vont imiter dans une très large mesure sa manière d'être, son style, son système nerveux, ce qui fait qu'il est dans ses films même quand il n'y est pas, au-delà de la vision. Ouais. Et ce qui est particulier aussi dans l'humour que Hélène évoquait, c'est qu'il est très, très, très relié à l'expression très stream of consciousness de son subconscient, de l'inconscient. On pense beaucoup au mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient de Freud. Il y a beaucoup de ça dans son cinéma. Il parle à voix haute. Il a l'air de dire tout haut ce qu'il pense. Et ça, c'est très, très, très particulier et encore une fois assez inédit dans le paysage cinématographique. Le réalisateur, ce sacré réalisateur, 49 films, nous disiez-vous, Georges Privet. Que dire de Woody Allen, le réalisateur? Sur un plateau de tournage, ça ressemble à quoi, Woody Allen? On l'écoute d'abord dans le documentaire de Jacques Mini, Question de temps, une heure avec Woody Allen, réalisé en 1979. Do you have creative problems? I mean, when you start a film, do you have? Est-ce que vous êtes anxieux lorsque vous vous lancez dans un nouveau film? Est-ce que l'écriture est difficile pour vous? C'est facile pour moi d'écrire des films, mais je déteste les réaliser. Je commence la production d'un nouveau film lundi prochain et je déteste le fait même d'y penser. Je voudrais être n'importe où ailleurs, je voudrais aller à Paris, me louer un appartement, écrire un livre et ne jamais sortir. Je déteste devoir me lever tôt le matin pour aller tourner un film. Mais vous avez tout de même choisi de le faire, non? Est-ce que c'est pour mieux vous rendre malheureux? Non, je le fais parce qu'il y a quand même quelque chose d'excitant dans le cinéma. Mais je n'aime pas ce mode de vie. Je me sentirai mieux quand tout aura commencé, mais pour le moment, je trouve ça terrible d'y penser. It'll be okay once I begin, but right now, you know, the thought of it is terrible. Alors, quel genre de réalisateur il est, Woody Allen? Comment il est sur un plateau de tournage, Georges Privet? Il est un éternel insatisfait. Ouais. C'est la chose fondamentale à savoir. Il déteste presque tous ses films. Une fois qu'il les a complétés, il ne les revoit jamais. Le titre d'Annie Hall, Michel l'évoquait tout à l'heure, le titre original, c'était Anhedonia, qui est un mot qui désigne l'incapacité d'éprouver du plaisir. Ouais. Et le premier montage de ce qui allait devenir Annie Hall, qui est à l'époque Anhedonia, est un film très différent, qui durait 2h20, qui ne fonctionnait pas de l'avis de tous les gens qui l'ont vu, et que Woody Allen a retourné à 80%. Incroyable. En l'accent autour de l'histoire d'amour, qui était la seule chose que les spectateurs aimaient, et c'est devenu Annie Hall. Et il a toujours eu cette vision de dire que au cinéma, il n'y a rien qui fonctionne. C'est-à-dire que le tournage est là pour sauver l'écriture, le montage est là pour sauver le tournage, la post-production est là pour sauver le montage. Il n'est jamais satisfait, et donc très, très, très vite dans sa carrière, avec ses producteurs qui étaient aussi ses agents, il s'est donné suffisamment d'argent sur un tournage pour pouvoir retourner un maximum de scènes. Ouais. Il a retourné 80% de Anna and Her Sisters. Il se connaissait lui-même, au fond. Absolument. Ouais. Et il savait qu'il y avait des choses qu'il devait voir pour pouvoir les corriger par la suite. Il a même une fois retourné un film, September, 2,5 fois au complet, avec des distributions complètement différentes. Les décors étaient déjà faits, c'est essentiellement une pièce de théâtre, donc il s'est dit que ça ne coûte pas tellement cher. Et il a dit, après avoir terminé l'expérience, que s'il en avait eu les moyens, il aurait retourné une troisième fois. Donc tout son cinéma, pour lui, est déficient. Quand Manhattan était complété, il a proposé aux gens de United Artists de leur racheter le film tellement il le trouvait raté. Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. He romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. It's a story about what's happening to American culture. C'est l'histoire de ce qui arrive à la culture américaine. Les relations entre êtres humains deviennent de plus en plus difficiles. Il devient de plus en plus difficile d'être honnête, de ne pas se vanter, et plus difficile de tomber amoureux parce que nous vivons en Amérique dans un environnement culturel dévasté par la nourriture express, télévision, mauvaise musique, drogue. C'est dommage, New York était une si belle ville. Elle doit lutter chaque jour contre l'envahissement de la laideur qui graduellement investit toutes les grandes villes américaines. Woody Allen à la télé française en 1979, au moment de la sortie de son film Manhattan. Hélène Faradji en glissait déjà un petit mot il y a quelques minutes, New York. Quelle place ça occupe, quelle importance ça a dans le cinéma de Woody Allen, New York, Georges Privet? C'est le centre principal de sa nostalgie, c'est son habitat naturel, c'est l'endroit qu'il exalte. C'est un personnage. C'est un personnage à part entière et c'est un personnage qu'il a été forcé de quitter à regret à un moment donné parce que une des choses qu'il faut dire à propos de Woody Allen, c'est qu'il est universellement connu, mais ses films ont toujours eu des succès très modestes à l'exception d'Annie Hall ou de Manhattan. La plupart de ses films font assez d'argent pour se rembourser. Il a pu travailler une époque avec une compagnie United Artists qui était contente d'avoir ses films dans sa librairie, même ouais. si essentiellement, il ne rapportait pas des fortunes. Donc, les films sont devenus de plus en plus difficiles à financer. Au tournant des années 2000, Woody Allen a été obligé, un peu malheureusement, malgré sa volonté, de s'expatrier fréquemment, brièvement à chaque fois, mais pour aller tourner soit à Londres, mm-hmm. soit en Espagne, soit à Paris. Financé par tout ce monde-là qui voulait leur Woody Allen. Absolument. À Paris. Absolument, il n'en avait fait aucun secret. Ouais. Essentiellement, s'il y a moyen de trouver un financement dans ces endroits-là, il allait faire ses films là-bas. C'était tout à fait des films de Woody Allen. Ça a donné un second souffle brièvement à sa carrière. Ouais. Ben, brièvement, pendant quand même une bonne décennie, où il a tourné Vicky Cristina Barcelona, enfin plein de films, Match Point. Mais on sentait toujours cette espèce de nostalgie pour New York, je pense, où il aurait tourné volontiers jusqu'à la fin de ses jours. Ouais. Un petit mot en terminant ce bloc sur Woody Allen, sur la dégringolade des dernières années, on ne peut pas ne pas en parler. Qu'en dire, Georges Privet? Ben, la dégringolade, elle commence pendant le tournage d'un de ses films les plus fascinants, Husbands and Wives, qui a l'air presque d'un acte manqué quand on le voit, c'est-à-dire qu'il raconte la rupture d'un couple qui est joué à l'écran par Woody Allen et Mia Farrow. Et c'était, il a été tourné pendant effectivement la dégringolade de leur couple. Ouais. Ils ont été ensemble pendant 12 ans, ils ont fait 13 films ensemble. Et ce film-là, qui tout d'un coup esthétiquement est très différent de ceux qu'il avait l'habitude de faire, parce que là on est caméra à l'épaule dans une espèce d'urgence, on a l'impression de voir un documentaire chaotique sur un couple qui s'effondre. Ouais. Et bien effectivement, il s'effondrait. Et au moment où le tournage se terminait, Mia Farrow a découvert que Woody Allen l'avait trompé avec sa fille adoptive, Sunny mm-hmm. Prévin. Ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Woody Allen a épousé finalement Sunny. Il y a une bataille légale assez considérable qui a duré pendant 3 ou 4 ans. Ouais. Tout ça s'est éteint un petit peu, mais ça a refait surface il y a quelques années, quand Ronan Farrow, le fils de Mia, a apporté de nouvelles révélations, entre guillemets, au dossier, et là, de manière beaucoup plus durable et beaucoup plus dommageable, à tel point que ça a freiné temporairement, on ne s'est pas arrêté, la distribution de son 49e long-métrage, A Rainy Day in New York, dont on ne sait pas si on le verra un jour. Ouais. La vérité de cette histoire-là, on ne la saura jamais. Woody Allen a toujours dit que c'était une revanche construite par une femme frustrée, déçue d'avoir été trompée. Rien n'a été prouvé légalement, mais disons que ça laisse une tache considérable sur son œuvre, et c'est probablement, à mon avis, la fin de la carrière cinématographique de Woody Allen en ce qui concerne les États-Unis, en tout cas. Et quel poids ça aura sur ce qu'on conservera de l'héritage de Woody Allen? Je ne sais pas qui veut nous en parler, Michel Coulombe. En fait, il était stigmatisé et instrumentalisé dans le courant, moi aussi, parce qu'il y a des versions contradictoires. Il y a deux clans, le clan Farrow, le clan Allen, suite à la séparation, d'une union qui demeure douteuse avec Sunny Previn, qui était la fille de sa conjointe, donc c'est un truc quand même très douteux. Ouais. De là à être pédophile, c'est effectivement autre chose. Et quand on lit d'un côté les témoignages de Ronan, qui est un des journalistes vedettes du mouvement Moi aussi, et de Dylan, celle qui serait la victime, et de l'autre côté, ceux de Moses et de Sunny, on constate effectivement que ces deux visions de la réalité familiale, on dit que Mia Farrow était effectivement très possessive et revancharde, et de l'autre côté, que lui, a eu des actes douteux. Hélène? Mais je ne pense pas que ça change grand-chose à la valeur de l'œuvre de Woody Allen. Ça, c'est toujours le grand débat en histoire de l'art. Est-ce qu'on sépare l'homme de l'œuvre? Oui, évidemment, parce qu'il a continué à faire des films majeurs, même au cours des dernières années. Je pense à Blue Jasmine, par exemple, qui est un film vraiment magnifique. Maintenant, est-ce que l'histoire retiendra l'œuvre plutôt que l'homme? On se le souhaite, parce que ce serait vraiment dommage de gâcher, de ternir, en tout cas, l'aura incroyable de cette cinématographie-là. Luke Skywalker n'était qu'un simple fermier lorsqu'une princesse lui adressa ce mystérieux message. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Comme elle est belle. La guerre des étoiles, avec Mark Hamill. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Il recrute des nains maintenant dans les commandos. Harrison Ford. Il manque de conversation, ce type-là. Luke, on va avoir sa visite. Luke, on n'a pas dû tourner où il fallait. Carrie Fisher. Bonne chance. Alec Guinness. Tu ne peux pas gagner. Tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. 20th Century Fox présente le film le plus extraordinaire de tous les temps, La Guerre des Étoiles. Attention, la fête va commencer! Star Wars, La Guerre des Étoiles, le film le plus extraordinaire de tous les temps, nous dit la bande-annonce. Cette saga de Star Wars, c'est 3 trilogies, 9 films, c'est des films dérivés. Mm-hmm. Je pense qu'il y en a 3, on est quoi? Une douzaine de films, et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ça représente quoi, Hélène Faradji, dans l'histoire du cinéma? En tout cas, la naissance de Star Wars en 1977, c'est vraiment un tournant, parce que juste après Les Dents de la Mer, on vient confirmer l'idée que l'industrie du cinéma n'est pas morte malgré ce qu'on pensait et que les blockbusters vont bel et bien s'implanter, notamment au cours des années 80-90. Cette nouvelle manière de raconter des histoires, cette nouvelle manière de mettre des films en marché aussi, il naît comment ce projet-là? Où en est George Lucas, par exemple, au moment où il s'attaque à ça? Alors, c'est assez amusant parce qu'il n'a pas du tout la faveur des studios, c'est pas du tout le chouchou du moment. Il a fait THX 1138, qui a été un film de science-fiction avec un petit succès, on va le dire comme ça. Et puis, il fait ce qui est son film de cœur, qui est American Graffiti, qui raconte son enfance dans la banlieue californienne, son adolescence plutôt. Et personne ne croit vraiment à ce film-là. Et pendant la post-production de American Graffiti, il va voir les studios en leur présentant une histoire de 14 pages qui parle d'un chevalier Jedi. Personne n'a l'air de trop y croire, ni de comprendre grand-chose à ce qu'il veut faire. Et au départ, il essuie un refus. Et c'est la Fox qui finalement dit d'accord, mais d'accord seulement pour écrire le scénario. Ouais. Et pendant ce temps, et en quelques mois, en fait, ça va se régler parce que American Graffiti va sortir en salle et va connaître un succès phénoménal auprès de la jeunesse. Le film va vraiment être assez marquant pour que la Fox dise ah ben d'accord, on va embarquer dans ce prochain projet qu'est Star Wars. Lui, dans sa tête, évidemment, il sait que ce sera une série de films, oui. Mais stratégiquement, il y va à une cuillerée à la fois. Exactement. Lui, il a déjà prévu de faire une trilogie, mais il ne vend l'idée que d'un seul pour le moment. Ouais. Ouais. On va parler des effets spéciaux dans un instant, mais il y a comme une contradiction extraordinaire dans ce film. Parlez-moi d'abord du récit, de l'histoire, de la manière dont... En fait, c'est ultra classique. C'est la mythologie grecque. C'est plein de références à la littérature classique. C'est ça, Star Wars, au départ. Ah, complètement. Et puis, lui-même disait, dès l'écriture, j'y ai mis tous les éléments susceptibles d'avoir du succès. Donc, il savait très, très bien ce qu'il faisait. Il s'inspire des films d'aventure pour enfants, les Flash Gordon, etc. Le fameux générique défilant, ça vient de là. Les films de guerre aussi, pour les poursuites de vaisseaux spatiaux dans l'espace. Il va puiser son inspiration dans le réalisme des films de guerre et des batailles d'avions. Il va aller vers le cinéma japonais. Hein. Le casque de Dark Vador, c'est les films de samouraï. D'ailleurs, au départ, il veut proposer le rôle d'Obi-Wan Kenobi à Mifune, qui est un des acteurs fondamentaux du cinéma de Kurosawa. La grande littérature d'heroic fantasy, Tolkien, Asimov aussi en science-fiction. Bref, des recettes qui ont fait leur preuve déjà. Ouais. Donc, le bien contre le mal, le western aussi. Hein. John Ford, qui est cité assez régulièrement dans les paysages de Tatooine, cette planète désertique où on retrouve vraiment des images quasi à l'identique de la prisonnière du désert, par exemple. Et puis les effets spéciaux, évidemment, ça va aussi contribuer. C'est une petite révolution à ce moment-là. Ah, tout à fait. En fait, ils arrivent à inventer avec son équipe technique. Ils créent Industrial Light and Magic, donc il va commencer à se spécialiser dans les effets spéciaux. Ils vont inventer une caméra reliée à un ordinateur qui peut se déplacer selon n'importe quel axe, qui est à l'époque exceptionnel. On rappelle qu'on est en 77 quand même. C'est très, très novateur. Et lui-même va dire que dans cette première version de Star Wars, il n'a pu faire qu'à peu près le quart de ce qu'il voulait faire. Et ce qui explique la ressortie 20 ans plus tard de ce premier épisode avec de nouveaux effets spéciaux. Monsieur Kurtz, quand on vous a proposé ce scénario, honnêtement, avez-vous pensé que ce serait un tel raz-de-marée de dollars? No, we went through seven versions of the screenplay. Nous avons eu 7 versions différentes du scénario, et même arrivé au stade final, et même le film une fois terminé, nous n'avions aucune idée que le public réagirait de cette façon. At that time, we didn't even have any idea when the film was finished that the response in America would be as tremendous as it has been. Comment expliquez-vous vraiment cet extraordinaire engouement du public, vous, à votre avis? It's difficult to tell sometimes, but I think c'est un peu difficile à expliquer, mais probablement une de la raison est qu'il n'y a pas eu de film qui soit un film d'aventure, un film de fantasy et vraiment de distraction, de spectacle depuis très longtemps. It's due to the fact that there hasn't been a good, enjoyable action adventure fantasy in a long time. Le producteur de La Guerre des Étoiles, Gary Kurtz, interviewé à la radio-télévision suisse en 1977. Je vous repose la question qu'on posait au producteur dans cet extrait, Hélène Faradji. C'est énorme, le succès de Star Wars, du premier film et des films qui vont suivre. Comment expliquer un tel succès? Ben, d'abord, il y a évidemment le fait que ça repose sur des choses extrêmement simples, comme le bien contre le mal. Encore une fois, des recettes qui ont fait leur preuve et qui continuent à fonctionner. Et puis, il y a aussi l'attrait de Star Wars sur le public plus jeune, le public des jeunes adultes, des adolescents. Et ça devient un phénomène parce que pour la première fois, ou presque, ces jeunes vont revoir le film. Donc ils vont le voir une première fois, ils vont le revoir ensuite en ramenant des gens, ce qu'on n'avait pas vraiment vu encore dans les phénomènes de public américain. Et quand l'espèce de machine se met en route, ça devient un rouleau compresseur, un vrai phénomène de société, en fait. Oui, puis il y aura plein d'autres films et plein de produits dérivés. Et c'est là que George Lucas a été très, très intelligent, c'est qu'il a négocié les droits. Quand personne n'y croyait à son film, lui a dit, moi, je vais prendre les droits sur les produits dérivés. Et c'est comme ça qu'il a fait sa fortune. Je ne sais pas si vous êtes fans de Star Wars, Michel Coulombe, Georges Privet. Comment vous expliquez, en tout cas, ce phénomène, ce succès-là? Qu'est-ce qui fait que ça marche autant, que ça a autant marché? Ben, il faut savoir aussi que Lucas s'est inspiré, comme Hélène le disait, de Flash Gordon, mais aussi de Buck Rogers, ouais. de tous ces vieux serials des années 30 et 40 qui ont été extrêmement populaires, comme il l'a fait aussi avec Raiders of the Lost Ark, qui était une extension de feuilleton des années 30 ou 40. Et le génie, entre guillemets, commercial de Spielberg et Lucas, ça a été de dire, si on refaisait ce genre de truc-là avec les moyens d'aujourd'hui, ça marcherait probablement encore plus fort que ça marchait à l'époque. Ouais. Les films eux-mêmes, j'ai beaucoup aimé le premier. Et j'ai beaucoup aimé esthétiquement l'espèce de fusion. Lucas disait qu'il voulait quelque chose. Il voulait que les scènes dans le Millennium Falcon, par exemple, évoquent Doctor Strangelove, une espèce de réalisme tactile très fort. Et que les scènes, par exemple, dans la cantine, évoquent le Satyricon de Fellini. Et la rencontre de ces deux trucs-là était assez inspirée. Ce qui a suivi par la suite, après le deuxième film est bien aussi, là, c'est l'exploitation d'un truc purement commercial. Ce qui est presque fatal, hein, quand on est dans des séries aussi longues. Michel Coulombe. Deux choses m'ont frappé à la lecture de la biographie de George Lucas. D'une part, son indépendance d'esprit, hein, sa volonté de contrôler son produit, et c'est ce qui en a garanti le succès. Ouais. Parce que, ben oui, d'autres y croyaient pas, mais lui, oui. L'autre chose qui m'a vraiment frappé, mais aussi terrorisé, parce que c'est ce qui fait que j'aime pas tellement à la longue cette série, c'est l'intransigeance des fans. C'est bien sûr ça qui est formidable pour lui, George Lucas, et puis pour Disney maintenant, c'est-à-dire qu'il y a cette base-là qui aime la guerre des étoiles, devenue Star Wars, parce qu'on ne peut plus dire la guerre des étoiles, mais qui aime donc cette série, mais qui aime une espèce de temple sacré qui se trouverait quelque part entre le premier puis le deuxième film, puis encore, parce qu'après, dès qu'on va un peu à gauche, un peu à droite, ils sont insatisfaits, là, c'est de la trahison. Vous avez refait le premier film, qui est finalement le quatrième, et puis ça, non, il ne fallait pas y retoucher. C'est vraiment beaucoup, et lui-même, ça l'épuise complètement. Ouais. Puis on en écoute, justement. Vous lisez dans mes pensées, c'est pas rangé avec le gars des vues, je vous promets. On en écoute quelques-uns de ces fans finis de Star Wars. On se serait cru dans un concert rock. La file d'attente pour accéder au cinéma Paramount faisait pratiquement un demi-kilomètre. Ceux qui la composaient avaient en moyenne 25-30 ans. Parmi eux, quelques émules de Luke Skywalker et Darth Vader qui avaient revêtu le costume de leur idole. Une façon de se replonger dans cette série culte et d'y mettre le point final après 28 ans. On n'a pas le choix d'être là, on n'a pas le choix. C'est les films de notre enfance qui arrivent à une fin. Là. Pour nous, ce soir, c'est comme l'achèvement de toutes les questions qu'on s'est posées quand on a vu les trois premiers. Fait que j'aurais pas manqué ça pour rien au monde. Pour d'autres, c'était l'impression de vivre un moment historique. Quand m'avoir 35-40 ans, m'avoir mes deux enfants, m'a dire j'étais là à minuit. C'est fantastique, vraiment bon. Définitivement, un petit 5 heures d'attente juste avant aussi, ça valait la peine. C'était très, très bien. J'ai attendu pour 30 années. Extrait de reportage de Maxime Coutier en mai 2005. Michel Coulombe se régalait à l'écoute de ce reportage. C'est la fin de la deuxième trilogie, là, 2005, le moment où le troisième film de cette deuxième trilogie sort. C'est quand même une façon, Hélène Faradji, d'aborder la question de ce que nous laisse Star Wars, de l'héritage du film. Évidemment, des fans inconditionnels. Oui. Mais plus que ça, au fond, vous l'avez un peu évoqué, mais beaucoup de nouvelles manières de raconter des histoires. Qu'est-ce qui reste de Star Wars? Je pense d'abord l'idée de saga, qu'on peut faire des sagas au cinéma et tout le succès des films de super-héros, à mon avis, vient aussi de ce qu'a réussi à implanter Star Wars. Cette idée, encore une fois, que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes, on n'en sortira pas. Évidemment, c'est des phrases et des scènes cultes. Qui n'a jamais dit que la Force soit avec toi ou je suis ton père? C'est passé dans l'imaginaire collectif. Il a réussi ce tour de force-là. À mon avis, on a peut-être étiré la sauce un peu trop. C'est-à-dire qu'en ce moment, on voit la saga s'essouffler. On voit que les fans, même les plus purs et durs, ne suivent pas. Par exemple, les films qui sont dans les univers parallèles. Donc les satellites, Les films consacrés à Han Solo, le film consacré à ceci, à cela. On sent qu'on est en train de tirer un petit peu trop sur la corde. Et depuis le rachat par Disney, on a aussi le sentiment que c'est passé un peu du côté obscur. On va quitter les galaxies lointaines de la guerre des étoiles pour revenir chez nous, où la décennie des années 70 au Québec donc a marqué l'arrivée des femmes au cinéma. Je sais pas, moi, un jour, je faisais du montage, et puis un jour, je dis à Bobet, j'ai dit, bon, ben, moi, j'aimerais bien réaliser les films, puis aller chercher les images que je veux pour les monter, puis ça s'appelle réaliser ça. Hein? Bon. Alors, il a dit, ben, bon, pas trop. Alors là, il y avait un projet à la production française qui était de faire 3 films sur le Canada anglais. Et là, moi, je suis arrivée comme j'avais un acquis un peu en théâtre par le conservatoire. J'ai proposé un film sur Christopher Plummer. 30 minutes, Mr. Plummer. 30 minutes pour jouer avec votre miroir et avec nous au jeu de l'amour et de la mort. Je me suis dit, c'est définitif, c'est le métier dans lequel je reste. J'ai eu 2 secondes d'hésitation. J'ai quand même appartenu à la génération privilégiée qui a vécu les grandes années de l'ONF. Je vis au ralenti, seul à seul avec un enfant qui s'apesantit en moi. Enfermé avec lui dans la maladresse de mon corps. Enfin, on pouvait dire des choses qu'on n'avait jamais dites. Et qu'on n'avait pas de tribune non plus. En général, les sujets que j'ai traités, il y avait déjà eu des livres qui étaient parus là-dessus. C'était quand même une période où le féminisme s'exprimait surtout par la littérature. Mais déjà, aller prendre un livre et mettre 2 semaines pour le lire, c'est quand même limité en nombre. Tandis que le cinéma donne accès quand même à un public beaucoup, beaucoup plus grand. Et ça faisait partie, ça, et du mandat de l'office et de l'esprit qui régnait, c'était pour communiquer des choses auxquelles on croyait. On voulait changer le monde un peu. La réalisatrice Anne-Claire Poirier, en entrevue en 2014, Anne-Claire Poirier qui fait vraiment partie de ces pionnières du cinéma des femmes au Québec qui commence à peu près au début des années 70, Michel Coulombe. En quoi cette décennie-là, la décennie des années 70, est importante pour les femmes au cinéma québécois? Elles vont prendre leur place. Ouais. Il faut dire que dans l'histoire du cinéma, à la période du muet, les femmes étaient là, hein, réalisatrices aux États-Unis, en France. Après, quand le parlant arrive, on leur demande de se taire. Et donc, un peu partout dans le monde, et au Québec aussi, les années 60 un peu, et ce sera le cas d'Anne-Claire Poirier, donc avec De mère en fille, le film sur Christopher Plummer, mais surtout les années 70, parce qu'il y a ce vent de féminisme, seront donc les années où ça va se passer. On va investir la fiction, le documentaire, l'animation, et des réalisatrices vont faire partie du Boys Club, qui est essentiellement à l'ONF, à cette période-là, il faut bien le dire, un peu dans le secteur privé qui est en train de se mettre en place. Hein. On est au début, ce sera le cas de Mireille Dansereau avec La vie rêvée, par exemple. Oui. Donc, l'arrivée vraiment des femmes derrière la caméra, puis il y aura aussi des rôles de magnifiques, marquants. On va donner des hommes dans les années 70, vont aussi donner de très, très beaux rôles aux femmes. Ça fait partie de l'émergence des femmes dans les années 70 au cinéma québécois. Vous l'avez un peu évoqué, vous avez parlé de... Les femmes étaient là avant, pendant le cinéma muet, elles se taisent quand le cinéma parlant arrive. Au début des années 70, au Québec, elles sont à peu près pas là. Ailleurs, aux États-Unis, en France, elles en sont où, les femmes, au cinéma, au début des années 70? Aux États-Unis, elles sont à toute fin pratique absentes. Et c'est une question qui est toujours d'actualité, en leur à peu près invisibilité. Ouais. On parle beaucoup des Afro-Américains, mais les femmes ont encore beaucoup de difficultés à prendre leur place parce que, est-ce qu'elles sont vraiment capables de faire des gros films? Question bête, mais qu'on se pose encore. En Italie, par contre, là, il se passe quelque chose. Liliana Cavani, Lina Vertu Müller, on parle de grandes réalisatrices. Mmh. En France, ça bouge. Diane Curis, Agnès Varda, qui est une des figures, mais vraiment fondamentales du cinéma et de la présence des femmes, toujours présente, Colline Serrault, ça bouge beaucoup. Chez les Allemandes aussi, puisqu'il y a Margaret von Trotta. Donc, du côté européen, c'est quand même assez actif. Ouais. Bon, alors, chez nous, les pionnières, Anne-Claire Poirier, qui sont-elles, Michel? Si on faisait un petit tour de piste, et de quelle manière elles sont importantes? C'est quelques femmes-là, parce que c'est pas encore là... C'est quoi? voir quelques réalisatrices. Une des toutes premières, c'est Monique Fortier, qui dans les années 60 fait La beauté même, un petit film, c'est une monteuse, mais elle réussit donc à se faire entendre. Après, c'est surtout Anne-Claire Poirier, ouais, parce qu'elle fera De mère en fille, donc où il est question de maternité, et ce sera elle, avec Jeanne Morazin, qui aura cette idée d'une forme de manifeste, de programme, qui s'appelle En tant que femme, nous-mêmes. Ça, c'est leur manifeste, leur texte, mais le programme à l'ONF dans les années 70 s'appellera En tant que femme. C'est donc elle qui devient la productrice de ces films où il y a question de choses dont on ne parle pas jusque-là. C'est-à-dire de la sexualité, parce que les hommes parlent des grandes questions du monde, mais on parle de la sexualité, ouais, on parle de l'intimité, de la grossesse, de l'avortement, de l'éducation, du partage des tâches, des stéréotypes masculins, féminins. Il y a question de tout ça dans le cinéma des femmes, questions qui ne sont pas abordées jusque-là. Et donc, oui, Mireille Dansereau, Brigitte Soriol, plus tard dans la décennie, il y aura aussi Léa Paul, ce sera la fin, ouais, de la décennie avec Strascafé, et d'autres femmes qui vont prendre leur place. Par exemple, Luce Guilbeault, qui est aussi comédienne, mais qui fera d'abord Ménagère, Aimé Dany, Hélène Girard, qui fait un film dans le cadre de ce programme. En, ouais, tant que femme, les filles, c'est pas pareil. Donc, plusieurs femmes vont tranquillement prendre leur place, mais vraiment tranquillement, parce que c'est pas une grande révolution, c'est néanmoins un vent de féminisme, ouais, puisque l'époque est au féminisme. Ben justement, vous en avez déjà un peu parlé des sujets dont traitent ces films, mais une grande question, est-ce qu'on est plutôt dans le cinéma de femmes ou dans une logique de femmes au cinéma? On en parle dans un instant, mais d'abord, écoutez Mireille Dansereau, c'est intéressant, au micro de Judith Paré, à l'émission Femmes d'aujourd'hui, en janvier 1973. Mireille Dansereau, on va essayer de mettre quelque chose de clair tout de suite, là. On a dit très souvent que votre film est un film féministe. C'est des hommes, évidemment, qui ont dit ça. Est-ce que c'est vrai? La plupart des critiques, d'ailleurs, ont été faites par des hommes jusqu'ici. Mais toi, est-ce que tu es d'accord pour dire que ton film est féministe? Moi, dans le sens où moi j'entends féministe, j'ai dit que c'était un film féministe, c'est-à-dire c'est un film qui est revendiquée par une femme, c'est-à-dire c'est une vision de femme. C'est pas un homme qui aurait jamais pu faire ce film-là. Et si moi je fais des films, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir quelque chose de spécial à dire en tant que femme. Et pour moi, en ce sens-là, c'est féministe, c'est-à-dire c'est une revendication de dire « moi j'ai le droit de m'exprimer en tant que femme, puis j'ai des choses à dire spéciales, différentes de celles d'un homme, oui, c'est tout. » C'est ça, ma famille. Pénible. Ma mère est tellement sûre d'elle, juste parce qu'elle est bien habillée et elle est bien maquillée. Pour elle, la seule vie, c'est son mari et ses enfants. Je me demande ce qu'elle va faire quand elle va être vieille. Extrait du film de Mireille Dansereau, La vie rêvée, réalisé en 1972. Juste avant, vous l'entendiez, Mireille Dansereau, donc, au micro de Judith Paré, à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1973. Quel genre de film, Michel Coulombe, réaliseront ces femmes des années 70 au cinéma québécois? Prenons Mireille Dansereau. Elle fait La vie rêvée, l'histoire de deux jeunes femmes, on est en 1972, qui sont libres et qui cherchent l'amour, mais pas forcément le mariage. Donc, déjà là, on a quelque chose de nouveau, puisque c'est ce point de vue. Et puis, ce sera le premier long-métrage fait dans secteur privé par une femme. À la fin de la décennie, elle fait L'arrache-cœur, des rapports mère-fille. Encore là, les hommes ne s'intéressaient pas à cette question. Elle le fera avec Louise Marleau, ouais, Françoise Fauché. Entre les deux, la même Mireille Dansereau fait « Je me marie, je me marie pas », un documentaire donc dans le cadre d'En tant que femme, où il est question de ces jeunes femmes et de leur choix de vie. Ouais. Toutes ces questions-là ne sont pas abordées effectivement par les hommes. Après, la question se pose, est-ce qu'on dit un film de femme parce qu'on ne dit pas un film d'hommes? Ouais. On finit par le dire par distinction, pour dire, ben voilà, il y avait les films d'avant, il y a les films de la majorité, et puis il y a ces films-là, ceux qui sont un peu à part, mais c'est finalement discriminatoire. Il y a des cinéastes qui vont, féminines, qui vont s'élever contre cette dénomination, jugeant, c'est le cas de Diane Curis, par exemple, ouais, et de Colline Serrault, qui disent, nous, on fait des films, ils sont pas moins féministes et féminins pour autant, mais ils aiment pas l'idée d'être comme un clan un peu marginal par rapport à cette grande famille cinématographique. Avec ce qu'on est, comme on pourrait parler d'un cinéma noir, ça se décline à l'infini, ce genre d'étiquette au fond. On est qui on est et on fait un film qui parle de qui on est finalement. En même temps, c'est la décennie où s'implantent ici et ailleurs des festivals de films dits de femmes. Ouais. Donc, il y a cette contradiction dans le mouvement. Georges Privet, Hélène Faradji, cette décennie-là, l'apparition des femmes au cinéma québécois, qu'est-ce que ça éveille chez vous, Hélène? Ah, moi, c'est sûr, c'est Anne-Claire Poirier, assurément, avec des films extrêmement marquants, très subversifs aussi. Et puis, ce que je trouve étonnant, c'est que c'est des préoccupations qui ont l'air d'avoir disparu du cinéma dans les années suivantes. C'est comme si tout s'était concentré dans ces années-là, qu'on avait réussi à prendre la parole du côté des femmes, à prendre une forme de pouvoir, et que les années 80-90 avaient complètement fait disparaître ça. Alors aujourd'hui, on voit peut-être un petit peu un retour de ces préoccupations-là. Le reflet de l'époque, hein. Oui, début des années 70, Michel le disait, c'est on est dans les rues, les femmes sont dans les rues. Et de l'audace, parce que Mourir à tue-tête aborde le viol, et ça, c'est vraiment audacieux pour l'époque. Très audacieux, puis on a le sentiment d'un cinéma qui est vraiment en prise avec la société. Ouais. Les deux communiquent très très bien. Ouais, Georges Privet? Moi aussi, Anne-Claire Poirier, c'est quelqu'un d'absolument fondamental, et vous évoquiez tout à l'heure avec Michel l'espèce de boys club qui régnait à l'ONF. Les gens qui s'intéressent, ils peuvent regarder un film qui s'appelle « Il y a longtemps que je t'aime », qui est un regard absolument fascinant et plus pertinent que jamais aujourd'hui sur l'évolution de l'image de la femme dans le cinéma québécois, dans lequel elle égratignait gentiment à la fin, justement, ses collègues masculins de l'époque. Donc, Anne-Claire Poirier, fondamentale. C'est une lutte, évidemment, qui continue aujourd'hui avec réalisatrice équitable et qui est loin d'être finie. Ouais. La difficulté, c'est pas tant maintenant de faire un film, c'est d'arriver à faire une œuvre, à construire une œuvre, à s'inscrire dans la durée, ce qui est pas évident. J'étais très content aussi, finalement, d'entendre Michel évoquer les grandes cinéastes italiennes Lina Wertmüller et Liliana Caviani. Mm-hmm. Ce sont des gens qui ont une importance dans l'histoire du cinéma, pas juste dans l'histoire du cinéma féminin ou féministe, absolument fondamental, qu'on a tendance, malheureusement, à oublier un peu aujourd'hui. Donc, de nouvelles réalisatrices qui arrivent au cinéma québécois dans les années 70, de nouvelles actrices aussi, une nouvelle génération d'actrices et de très, très beaux rôles qu'on va leur confier. On écoute Micheline Langteau d'abord, parce que c'est un cas, Micheline Langteau, mais c'est un cas intéressant à cet égard. Alors là, parce qu'elle sera à la fois actrice puis plus tard réalisatrice. Elle aime beaucoup les fruits. J'aime vraiment beaucoup les fruits, hein? Voulez-vous une orange? Un pamplemousse? Non, merci. Elle aime les enfants. J'ai montré à profiter du temps qui passe, à faire l'amour. Ça se fait en Polynésie. Les mères apprennent même à leurs fils à se masturber. C'est beau, hein? Elle veut la liberté. Cette comédienne m'a posé beaucoup de problèmes auxquels je ne m'attendais absolument pas. En ce sens que moi, toute ma jeunesse, j'étais ce qu'on appelle un tomboy. J'ai jamais joué avec une poupée de ma vie. Moi, quand on faisait papa et maman, j'étais papa. Et tout à coup, brusquement, j'ai été mise face à face quand j'ai fait le premier film avec l'évidence que j'étais une femme, ce qui m'a créé des problèmes monstrueux. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? T'sais. Tout à coup, je ne pouvais pas être autre chose qu'une femme. J'étais traitée en femme. On me considérait comme une femme, j'étais une actrice, je jouais des femmes, je pouvais évidemment pas jouer des hommes. Et ça fait 3 ans que ça me trotte par la tête, que je me dis comment je vais résoudre ça. Parce que j'ai vraiment jamais, jamais vu le monde comme un monde sexiste. Et puis sans être féministe, maintenant je suis devenue violente. C'est-à-dire que plus on me traite en femme, plus je me bats. Parce que je me dis c'est quand même assez con, je veux dire, de voir le monde comme ça, il y a des femmes et des hommes. Moi je pensais qu'il y avait des personnes, point. T'sais. Qu'une personne faisait une chose, puis une personne faisait une autre. C'était pas nécessairement parce qu'on portait une jupe ou un pantalon qu'on faisait autre chose. Et c'est vraiment très, très dur de se voir tout à coup acculé à l'évidence que physiquement, moralement, biologiquement et tout, on est du genre féminin. T'sais. Et de par ce fait-là, ça m'a forcé à adopter des comportements qui ont changé les comportements des hommes à mon égard. T'sais. Micheline Langteau, en entrevue à l'émission « Femmes d'aujourd'hui » en 1976. C'est un cas intéressant, Micheline Langteau, Michel Coulombe, parce que ce sera une actrice, elle fait partie de ces actrices qui vont émerger, là, toute une nouvelle génération d'actrices qui vont d'ailleurs, dans certains cas, tourner à l'étranger. Gilles Carle va lui donner ce rôle. On entendait un extrait de « La vraie nature » de Bernadette. Gilles Carle aussi sera, comme d'autres hommes, d'autres réalisateurs hommes, derrière de beaux rôles de femmes. Mais parlez-moi de ça, les femmes au grand écran, celles qui sont devant le grand écran. C'est une grande décennie pour les actrices. Il faut dire déjà Micheline Langteau, qui est une nature, qui devient comédienne, elle ne l'était pas pour La vraie nature de Bernadette, qui travaille aussi en anglais, Dodie Kravitz. Carole Laure, qui est un pur phénomène des années 70, parce qu'elle est la muse de Gilles Carle. Et au début, bien sûr, c'est sa beauté, mais c'est plus complexe, parce qu'ils font ensemble aussi La tête de Normand de Saint-Ange, où elle est absolument remarquable. Et elle va s'ouvrir sur le marché anglophone, le marché français aussi, La jument vapeur, mais aussi, bien sûr, Préparez vos mouchoirs, entre Dewar et Depardieu, c'est pas banal. C'est aussi une décennie où on voit ici, mais beaucoup plus ailleurs, Geneviève Bugeaud, Kamouraska, qui est un grand rôle. Claude Jutras donc, retrouve Geneviève Bugeaud. Et là, vraiment, c'est un rôle formidable parce que c'est l'œuvre au départ d'Anne Hébert et donc il y a vraiment quelque chose de grand à l'écran. Mais elle a aussi, Geneviève Bugeaud, une carrière en anglais, Tremblement de terre, qu'on évoquait, mais aussi L'Incorrigible, avec Belmondo. Elle va tourner comme ça un peu partout à travers le monde. Donc là, on a vraiment l'émergence de plusieurs actrices, mais aussi Monique Mercure, qui jouera dans ce qui sera peut-être le plus grand film féministe des années 70, porté par deux hommes, Marcel Sabourin et Jean Baudin. Mais c'est donc une femme qui s'affirme, qui veut sa place. Jean Martin, photographe, qui veut sa place dans le couple. L'histoire se passe donc au tournant du 20e siècle, mais cette femme-là veut être aux côtés de son mari, ne pas être que celle qui élève les enfants. Et puis, au cours de cette décennie, ce sera vraiment la grande période de Luce Guilbeault, très présente notamment chez Denis Arcand. Par exemple, Réjeanne Padovani, La maudite galette, elle sera la muse et la compagne de plusieurs cinéastes de cette période-là. Quelle importance ça va avoir, ce coup d'envoi, au fond, cette décennie-là? Parce que Hélène disait, il y a, dans les thématiques, il y a une présence féminine forte dans les années 70, ça va se perdre un petit peu, comme le reste de la société va s'éloigner un petit peu des questions féministes. Mais ce coup d'envoi, cette bougie d'allumage, quelle importance ça aura pour la suite des choses quand on parle de femmes au cinéma québécois, Michel? On constate que ça s'est passé là, dans les années 70, et ensuite, ça a stagné pendant presque 40 ans. C'est terrible. Peu de femmes ont accédé aux grands films populaires, sinon Denise Filiatro. Peu de femmes ont accédé à la véritable continuité d'une œuvre reconnue, visible. C'est le cas de Léa Paul. Et ce n'est qu'aujourd'hui, puisqu'il y a des programmes d'équité à Téléfilm, à l'ONF, à la SODEC, donc chez les partenaires financiers, que les femmes peuvent être assurées effectivement d'une présence continue, réelle et d'une voix réelle et confirmée à la table des cinéastes. Ouais. Parce qu'autrement, c'est parfois un film de femme, parfois, je dis film de femme, mais fait par des femmes, et il y a des années où il n'y en a à peu près pas. Donc, on a eu vraiment une longue traversée du désert, et il a fallu, Georges l'évoquait, les réalisatrices équitables pour élever la voix et dire, pourquoi on ne nous entend pas? Une question qui se pose d'ailleurs encore aujourd'hui. D'ailleurs, je vous signale que ces films dont nous a parlé Michel Coulombe, les films d'Anne-Claire Poirier, de Mireille Dansereau notamment, sont tous disponibles en visionnement gratuit sur le site de l'ONF, onf.ca. Un dernier tour de table avec vous trois, c'est la tradition dans ces émissions d'une heure consacrées au cinéma. De quoi aurions-nous aussi pu parler dans cette décennie des années 70 au cinéma? Michel Coulombe d'abord. Le cinéma allemand. C'est la grande décennie, les années 70, du renouveau du cinéma allemand. Pour moi, Volker Schlöndorff, Le Tambour, Wim Wenders, L'Ami américain, Margaret von Trotta, bien sûr, Werner Herzog, Nosferatu. Il se passe quelque chose, bien sûr, Fassbinder, qui est le grand cinéaste de cette période où on prend ses distances par rapport à cet héritage terrible de la Deuxième Guerre mondiale et où on présente les choses autrement. Le cinéma allemand est en ébullition dans les années 70. Hélène Faradji. On en a parlé un peu par la bande, mais pour moi, c'est vraiment le nouvel Hollywood, c'est-à-dire cette arrivée massive de toute une génération d'acteurs, de producteurs, de réalisateurs et en particulier de Scorsese qui va vraiment marquer les années 70, le cinéma américain, le cinéma mondial. Paul Schrader aussi qui arrive et qui, ensemble, ils font Taxi Driver. Ça reste des films extrêmement importants et qui à la fois reflète la jeunesse, la contre-culture, mais aussi la violence des États-Unis, le tout avec énormément de style et l'utilisation de la musique. Le mot de la fin, Georges Privet. Moi aussi, le cinéma allemand qui est absolument incontournable à l'époque et qui est un des plus intéressants. Puis peut-être aussi l'événement qui mettra graduellement une fin à tout ça, la sortie d'Heaven's Gate, flop gigantesque, historique, qui va couler un studio United Artists qui existait depuis les débuts du cinéma, qui va profondément changer la donne et commencer à nous entraîner dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'était fascinant. À tous les trois, merci. Georges Privet, Hélène Faradji, Michel Coulombe, tous trois chroniqueurs cinéma habitués de l'émission. Merci beaucoup. Merci. Merci.